Le lendemain, quelques journaux contenaient, sous des rubriques différentes, ces différents articles. Monsieur le baron Hulot d'Hervy vient de demander sa retraite. Les désordres de la comptabilité de l'administration algérienne qui ont été signalés par la mort et par la fuite de deux employés ont influencé sur la détermination prise par ce haut fonctionnaire. En apprenant les fautes commises par des employés, en qui, malheureusement, il avait placé sa confiance, monsieur le baron Hulot a éprouvé dans le cabinet même du ministre une attaque de paralysie. Monsieur Hulot d'Hervy, frère du maréchal, compte 45 ans de service. Cette résolution, vainement combattue, a été vue avec regret par tous ceux qui connaissaient monsieur Hulot, dont les qualités privées égalent les talents administratifs. Personne n'a oublié le dévouement de l'ordonnateur en chef de la garde impériale à Varsovie, ni l'activité merveilleuse avec laquelle il a su organiser les différents services de l'armée improvisée en 1815 par Napoléon. C'est encore une des gloires de l'époque impériale qui va quitter la scène. Depuis 1830, monsieur le baron Hulot n'a cessé d'être une des lumières nécessaires au Conseil d'État et au ministre de la guerre.